il y a Ra'sul Mal qui est l'argent, et quatrièmement Al-Muslamu Fih. Et Al-Muslamu Fih, c'est le dernier, c'est quoi? Il y a l'acheteur, il y a le vendeur, il y a l'argent, il y a la marchandise, Al-Muslamu Fih. Et en connaissant cela, on comprend mieux la parole de l'auteur lorsqu'il dit « La yushtaratu fi salami an yakuna al-musallamu ilayhi malikan lil-musallami fihi » Vous avez compris ou pas? « La yushtaratu » c'est-à-dire ce n'est pas une condition « fi salam » c'est-à-dire pour celui qui fait « as-salam »« an yakuna al-musallamu ilayhi » que « al-musallam ilayhi » qui est le vendeur أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه qu'il soit propriétaire de la marchandise. Donc il y a المسلم إليه qui est le vendeur et المسلم فيه qui est la marchandise. طيب باب القرض. القرض qui est, qu'est-ce que la qard? Le prêt. Le prêt, qui est le prêt. Wa lughatan, lughatan al-qard huwa al-qat'u. Al-qard huwa al-qat'u. En arabe, al-qard c'est le fait de couper. Wa minhu sumiya al-miqrad. Qu'est-ce que le miqrad? Qui connaît le miqrad? Le ciseau. Le ciseau, là. Le ciseau car il coupe. Salam, t'as pas. Wastilahan huwa daf'u al-mali irtifaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Huwa daf'u al-mali irtifaqan لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ. C'est-à-dire de donner de l'argent يعني par compassion à celui qui va en profiter et qui devra rendre et qui devra le rendre et qui devra le rendre. Donc c'est le fait de prêter de l'argent par compassion pour celui qui est dans le besoin, afin que, qu'il profite de cet argent, et il devra le rendre. Il devra le rendre. Et pourquoi est-ce qu'il était appelé Al-Qard? Car celui qui prête l'argent coupe. Il coupe une partie de son argent. Il coupe une partie de son argent. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. Et le jugement de Al-Qard, c'est qu'il est autorisé dans le Coran, dans la Sunna du Prophète صلى الله عليه وسلم, et à l'unanimité des savants. فضله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر عليه يسر عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي وابو داود. Le mérite du prêt. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man wassa'a al muslimin kurbata min kurabid dunya » Celui qui élargit, si on traduit, « Nafasa ay wassa'a » « Nafasa ay wassa'a » c'est-à-dire, celui, comment traduire ?« Qui soulage » Non, mais dans le sens de wassa'a, yani qui élargit son frère musulman qui est dans une situation étroite, une situation où il est serré. Autrement dit, qui soulage son frère dans une contrainte qu'il a.